Toujours à la même occasion, les militaires, les travailleurs, les jeunes et enfants ont visité le discouron, les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Manso. Devant les statues en bronze des grands leaders se trouvait déposée la corbeille de fleurs au nom du maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. On a déposé les corbeilles de fleurs au nom des organes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères, des établissements centraux, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, des entreprises, des usines, des fermes et des écoles de tout échelon de la ville de Pyongyang, la corbeille de fleurs au nom de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Les visiteurs ont formulé leur hommage sublime devant les statues. On a fleuri aussi les statues en bronze et les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il dans d'autres endroits de la capitale et dans les provinces.